Exercice 5. A. Abricot, citron, pruneau, myrtille. B. Bruxelles, Berlin, Prague, Strasbourg. C. Professeur, facteur, docteur, journaliste. D. Février, avril, mars, octobre. E. Classeur, crayon, tableau, ordinateur.